Pour moi, carnaval, c'est tout le bonheur, où les gens ils se regroupent. Il n'y a pas de différence de couleur, de religion ou quoi que ce soit. Et on est tous là pour s'amuser. Voilà ce que j'ai à dire. Si on veut parler d'avoir des contacts, moi je suis un homme, assez facilement avec des femmes, je vais dire oui. Parce qu'on est tellement dans l'amusement que après ça va plus loin. Et un coup on se retrouve chez l'un et chez l'autre en fait. Mais je veux pas que carnaval représente que ça. Moi je préfère que ça représente le fait qu'on est tous pareils, tout simplement. Voilà. Et j'ai 51 ans et tous les ans, je fais le carnaval. J'ai arrêté de faire les rigudons parce que c'est assez puissant. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé dans le rigudon final de Dunkerque. Et j'étais transporté par les pompiers parce que je me suis fait piétiner, on va dire. Mais ça ne m'a pas empêché de recommencer. Par contre, maintenant, je regarde de loin, j'y vais plus. Mais c'est toujours formidable. De toute façon, le carnaval de Dunkerque, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Voilà. J'ai un ami, il est dans le carnaval, il tombe sur une femme, en fait. Et il la perd. Et il me revoit après, avec la même. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est parce que on s'éclate et on se lâche et on s'en fout en fait parce que on fait ce qu'on veut de notre vie en fait. Voilà quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que je l'ai dit beaucoup déjà. Mais le truc c'est que maintenant on dit toujours je suis pas sexiste, je suis pas homo, enfin pas sexe. Voilà quoi. Pas sexiste en fait. Mais maintenant. Beaucoup les femmes portent plainte pour ceci, pour cela, machin. Mais je veux dire, pour faire quelque chose, il faut un homme et une femme. Voilà. En fait, on ne sait même pas de où ils viennent. Il y en a qui viennent de Lille, même de Paris, qui viennent faire le carnaval. On tombe dessus et en fait, on devient amis et on sait très bien qu'on ne les verra plus tard. Mais quelque part, c'est devenu notre ami pendant cette soirée-là parce que c'est tellement convivial. On se calcule pas, c'est normal, donc viens boire un verre, c'est vrai, on va dire que le carnaval, c'est vrai qu'on boit un coup, mais c'est fiesta, et puis, de toute façon, c'est notre religion à nous à Dunkerque, moi qui athée, c'est ma religion, on fait connaissance avec tout le monde, on apprécie des gens qu'on verra peut-être plus jamais, mais ça, pendant un laps de temps, ça va devenir mon ami. On sait qu'on va pas se revoir, mais rien que ce moment-là, c'est quelque chose de terrible. C'est peut-être déjà une amitié que des fois tu n'as pas avec tes vrais amis, que tu rencontres des gens, des inconnus. Et c'est ça le bonheur du carnaval. C'est partager les choses et être heureux en fait. Voilà quoi. Je le faisais avant, ça devient plus compliqué maintenant. Mais sinon, si je peux faire Dunkerque. Rosendal, la Citadelle et Rosendal, je l'ai fait énormément. Mais pour reprendre le boulot, c'est compliqué. Parce qu'on dort pas. Enfin, ça dure jusqu'à je sais pas quelle heure. Des fois, on rentre à pied. Parce que avant, il n'y avait pas tout ça. Les bus de service ou quoi. Avant, il n'y avait pas tout ça. Mais il fallait rentrer à pied. Mais en fait, je posais ma semaine, en fait. Complètement. En fait, je prenais sur mes jours de congé. Mais parce que pour moi, c'est encore mieux que des vacances. Voilà. C'est justement la chose qui explose parce que c'est de plus en plus connu. Et on voit des gens, on dit les parigots, ils sont appelés gueule de con. Moi, je suis tombé sur des Parisiens qui étaient, ils ne savaient pas comment ça se passait. Ils étaient étonnés de plein de choses. Et je vous dis, c'est de là que toutes les connaissances viennent. Et on discute entre nous, de Lille, de Paris, même du Sud. Hein. Moi, j'ai ma cousine qui vient de Montpellier chaque année. Et elle a amené plein d'amis de Montpellier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et quand ils ont vu ça, ils ont été impressionnés. Après, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu... Mais la plupart des gens, ils ont aimé, en fait. Parce que c'est tellement convivial, en fait. C'est ça, le truc. c'est, y a de l'amour partout. Voilà. Je vais vous expliquer une chose. Il y a même des gens qui font des contrats de mariage pour que soit la femme ou soit l'homme, à partir de quand c'est carnaval, ils ont le droit de sortir. C'est, alors, des fois, ils le font en couple, mais des fois, chacun de son côté, et c'est contrat de mariage. Et c'est signé, en fait. Hein. Et quand ils se marient, c'est ça. Le contrat de mariage, c'est juste pour dire, t'as le droit d'aller faire carnaval et de rentrer à n'importe quelle heure et tu t'es bien amusé. Par contre, l'adultère, je pense pas que c'est dans le contrat. Mais t'as le droit de partir sans ta femme ou la femme sans son homme et aller s'éclater. Moi, personnellement, j'ai une femme, une fille de 24 ans. Elle sort avec sa belle-sœur, elle sort avec ses copines. Mon beau-fils, il est pas carnavaleux, il allait sortir. Mais c'est pas pour ça qu'on va le tromper. On peut s'amuser en tout bien tout honneur. Et après, il y a les gens qui vont au carnaval pour faire des rencontres. Voilà, en fait, c'est les deux en fait cumulés. Il y a des gens qui vont que pour s'amuser, et puis il y en a, c'est pour des rencontres. Et puis quand ça tombe bien, et puis que quand on est célibataire, bah, quand ils ont besoin de bonnes rencontres, bah, t'es content de la trouver, que tu sois homme ou femme. Voilà. Et moi, je dis que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, en fait. Hein. Voilà, quoi.